La puissance nucléaire de l'Orient est impitoyable à ses ennemis. C'est sous ce titre que le journal coréen Rodong Sinmun de mardi donne un commentaire qui dit notamment « Le 17 courant, une escadrille de bombardiers stratégiques B-52H de la 8e armée de l'aviation américaine, basée à l'île de Guam, a effectué au-dessus de la Corée du Sud l'exercice de bombardement nucléaire sous prétexte d'entraînement au vol à longue distance et à la frappe d'objets stratégiques. Précédemment, le 13, le sous-marin à propulsion nucléaire Mississippi, capable de lancer l'attaque nucléaire, a jeté l'ancre au port de Busan, Corée du Sud. La situation est très grave, car tout cela coïncide avec les hostilités américaines qui sont devenues extrêmement téméraires envers la Corée. Début de ce mois, les États-Unis ont rendu public le plan d'opération de raid aérien de précision visant la première frappe nucléaire contre nos installations nucléaires et sites militaires stratégiques. Juste après l'élaboration du plan en question, ils introduisent en Corée du Sud les armements de guerre nucléaire. Cela prouve qu'ils s'empressent de mettre en pratique leur plan. Les menées de guerre nucléaire des États-Unis pour précipiter ce sol dans les catastrophes nucléaires constituent l'expression directe de leur politique d'hostilité des plus atroces à l'égard de la Corée. Le conflit nucléaire ne leur donnera que la ruine. Si les autorités américaines se démènent désespérément pour sauver de l'échec leur politique d'hostilité vis-à-vis de la Corée par les démarches de guerre nucléaire, ne déployeront plus dynamiquement la réaction ultra-dure et sans précédent pour ruiner définitivement les États-Unis.